Que c'est drôle tout en France, quand on est sa connaissance. Il arrive un certain moment, c'est à l'âge de 18 ans. On se perd dans la nature, car on découvre le sentiment. Quand sa vie devient étrange, devinez donc pourquoi. C'est toujours pour une blonde qui lui tient bon langage. L'amour a son jour le plus beau, mais je ne savais qu'un femme à la ronde l'esprit caché. C'est drôle tout en France, quand on est sans connaissance. Il arrive un certain moment, c'est à l'âge de 18 ans. On se perd dans la nature, car on découvre le sentiment. Quand sa vie devient étrange, devinez donc pourquoi. Ça a toujours été pour une blonde, qui lui tient bon langage. Come on.